bon, troquet. Bon, troquet. Show mugs go on. Alors imaginez deux mecs qui font un podcast. Mais genre vraiment un podcast de mecs qui ont trop de temps libre. Et plutôt que d'être dans un studio professionnel avec des micros et des casques, non, eux, ils sont sur un banc de parc ou alors un troquet de quartier, en train de débattre de la vraie vie. Vous voyez le genre ? Je les croise un jour là, sur le banc, en plein milieu d'une discussion sérieuse. Lundi, tu sais, j'ai réfléchi, la vraie question c'est pourquoi les clochards ils ont toujours un chapeau ? L'autre le regarde, tout sérieux, et lui répond « Ah bah ouais, moi je pense qu'en fait c'est un signe de distinction. Genre, je suis clochard mais classe. » Et là, les deux s'élancent dans une analyse pointue. Tu vois, moi je dirais que c'est pour protéger leur tête des pigeons. Parce que les pigeons, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des clochards. Hein ? Ah ouais, t'as raison. En plus, un pigeon, ça te chope une miette et paf, ça te vole ton sandwich. C'est de la guerre ouverte. Le pire, c'est qu'ils commencent à se demander si, finalement, les clochards seraient pas les véritables pionniers de la mode. Tu penses qu'ils anticipent la mode, genre, les clochards sont en avance ? Totalement. Regarde les chapeaux à la Indiana Jones. Ça revient à la mode, non ? Et là, ils finissent par conclure. Franchement, je crois qu'on a peut-être trouvé le secret des clochards. Ils sont juste trop en avance sur leur temps. Du coup, je les ai laissés là. Je suis allé acheter une baguette. Je suis revenu et je les ai retrouvés en train de débattre si oui ou non, la baguette est un accessoire de mode indispensable. Parce qu'au fond, un clochard avec une baguette, c'est un peu un accessoire de luxe, tu vois. Et je vous jure, je suis reparti avec ma baguette, mais j'étais pas sûr de ma vie. Voilà, voilà ce que serait bon et troqué si ChatGPT faisait le boulot. Voilà, ça c'est notre spectacle de stand-up. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT de nous écrire un spectacle et il nous a écrit ça. C'est de l'absurde, c'est magnifique. C'est limite un peu raciste envers les pauvres, quoi. Ouais. Même pas les clochards. Mais pourquoi il a dit que nous on allait parler de clochards, tu vois, c'est trop bizarre, quoi. Et de pigeons. Je lui ai juste dit. Ces deux gars sur un banc et un troquet, ils font une émission et c'est tout, quoi. Je donne très peu d'infos, quoi. Et alors, il est parti sur ce délire, quoi. Moi, je dirais que c'est peut-être le banc. Il trouve ça péjoratif, tu vois. Exact. C'est un banc, il dit que c'est dans la rue ou je sais pas. Oui, banc, clochard, ouais. Mais par contre, il raconte bien de la merde. Hein. C'est absurde. Et j'espère que vous avez bien ri. Non, mais belle lecture, hein, Martin. Merci. Mais tu vois, l'humour de ChatGPT, elle est pas prête à l'avenir, quoi. Bah, en plus, ça, tu t'as fait la demande il y a longtemps. Ouais. Moi, j'hésitais que tu le lises parce que je me suis dit que c'est ChatGPT, c'est déjà allé tellement vite que ça se trouve, il peut encore s'améliorer et encore être meilleur. De là, être drôle, je sais pas. Mais t'as raison, parce que moi, j'en ai. Donc, on en avait parlé à l'époque. Et donc, j'avais fait ce truc-là. Et depuis, j'ai rencontré des gens qui l'utilisent, mais à un autre niveau. Tu vois, il y a un gars, là, je l'ai rencontré, j'ai fait un chantier. Il travaille pour une marque, bref. Et en fait, ChatGPT, c'est devenu genre lui, une personne presque qui existe, tu vois, et qui lui répond, et qui le connaît en fait. Et genre, des fois, il lui dit calme-toi, sois pas si familier. À ce point-là, hein, il lui parle comme ça, quoi. Genre, ah ouais, il dialogue. Et genre, des fois, il lui dit écris à ma place le mail, tu vois, écris. À force qu'il ait rentré des mails, des mots, c'est des manières de parler, et ben, ChatGPT, il sait parler comme lui. Ah ouais. Avec son vocabulaire, avec il sait faire des. Et du coup, il répond à sa place, quoi. Et il y a un collègue qui a du coup uploadé. Plugué, je crois, à sa boîte mail. Et genre, il répond, ChatGPT répond direct à sa place. C'est... Lui, valide ou non. Ah ouais. Mec, ouais, on en est là. Alors que c'est il y a 3 mois que je pensais parler de ça. Ouais. Tu vois la vitesse du truc, c'est. Imprémenté ou un truc comme ça. Il y a un truc d'anglais, là, pour dire. Plugué, je crois. Ouais. Ça marche, non ? Oui, moderne, oui, ça marche. Quoi. Non, mais c'est... Mais c'est un bon exemple que tu dis, et ChatGPT, moi je parle comme c'est le sujet, un des sujets du moment, je parle avec plein de monde de ce truc-là, et tout le monde a un peu son histoire, comme là tu viens de raconter. Genre, ça arrivait, ouais, week-end dernier, je savais pas que les gens ils étaient déjà à ce niveau-là, quoi. Si, si, ouais, pour les candidatures, tu vois, pour des postes, parfois il y a des gens, ils peuvent tout automatiser, c'est ChatGPT qui adapte selon l'annonce, le CV, la lettre de motif, et qui l'envoie automatiquement, tu vois. Ouais, mais du coup, c'est des gens qui ont des. Ils n'utilisent pas ChatGPT comme moi j'ai essayé. Ils ont des comptes avec leur nom et à force de travailler avec lui, il s'est amélioré avec lui, quoi. Ouais. Tu vois, il parle comme lui. Et il lui a même dit, genre, sois pas si familier, quoi. Genre, à un moment, le ChatGPT, il dit ça va, gros. Enfin, j'exagère, tu vois. Mais... Ah, en ouais. Gros, il a dit non, tu me parles bien. Et il lui dit merci. Je lui reparlais aussi le truc que je t'avais envoyé. Que, genre, dans le futur, les robots, ils prennent la planète en place et ils veulent pas te tuer, Pierrot, parce que Pierrot, il dit merci à ChatGPT. Ouais, bon, je dis pas merci. Et le gars, il disait merci. Il était poli. Ah oui, mais tu vois. Attends, j'ai plusieurs trucs à dire. Moi, j'ai un collègue, parce qu'on a une espèce de chat GPT, un compte pro qu'on partage, et du coup, je vois les demandes de mes collègues. Ouais. Et j'envoie un, à chaque fois, il dit bonjour et toujours merci. Du coup, ça m'a fait marrer. Et avec un autre collègue, on a rigolé de ça. Parce que bah, ça reste une machine non plus, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire bonjour, merci. Tu peux être un peu poli, parce que tu es poli peut-être dans la vie de tous les jours. Mais je pense que les gens, là, le gars dont je te parle, tu vois, c'est quasiment devenu une personne, son chat GPT, tu vois. Il y a vraiment l'impression de... Il y a des gens qui l'utilisent comme psy. Hein. Oui, putain, mais oui, t'as raison. C'est dangereux de ouf, quoi. Ouais. Et t'imagines tout ce que tu donnes en données personnelles à cette machine. Ouais. C'est what ? Ouais, ouais. C'est ouf. Mais moi, je me souviens, je crois que j'ai découvert ChatGPT ou un peu son existence, allez, en mars de l'année dernière, 2024. Un an avant moi, quoi. Ouais, ça fait un an, mais c'est un truc de ma boule. C'est fou. Hein. C'est ma boule. Et moi, t'as vu, j'en ai parlé à Pierrot. J'ai dit, je veux pas trop l'utiliser, mais je veux voir. Et j'ai regardé un peu et je me suis freiné direct là. À qui t'as dit ? À toi. Ah ouais. Je t'en avais parlé de lui. Tu me parlais de troisième personne, c'est toi, Pierrot. Ouais, mais parce que les gens, ils, tu vois, peut-être ils sont allongés, ils ferment les yeux. Je les fais visualiser, tu vois. D'ailleurs, on a même pas dit où on était encore, mais c'est pas grave. Je le dis juste après, mais vas-y, finis. Non, mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est que moi, j'ai déjà ralenti dessus. Tu vois, moi, ça me perturbe trop, quoi. J'aime pas trop, en fait. Ça peut me sortir de trucs, tu vois. J'ai déjà écrit un dossier. J'ai déjà répondu à un mail, mais j'ai pas envie de développer plus que ça, quoi. Et après, heureusement, nous, on est un peu d'une génération, après, je parle comme un ancien, où, tu vois, on aime encore écrire, tu vois, je pense. Il n'y a pas à avoir la solution directe, toi, de ton écriture, quoi. Mais après, tu vois, le chat GPT, s'il écrit comme toi, bah, t'as plus besoin d'écrire, enfin bref, je sais pas. Ouais, puis après, moi, je pense que ça va être dans les boîtes, tu sais, il y aura cet outil qui va exister. Et c'est un peu comme tout progrès technique. Le progrès technique, à la base, on dit ouais, ça va être au service de l'homme pour qu'il travaille moins. Mais en fait, comme il y a l'économie qui est au-dessus de l'homme, tu sais, je suis un peu le militant, quoi. Et ben en fait, ça va être au service de l'économie. Ça va permettre de mettre moins de gens à certains postes et que des gens aient plus de taf. Parce qu'on dit, bah non, mais t'as ChatGPT, tu peux le faire, tu vois. Genre, et c'est là où je me dis, bah tu vois, toi, t'as ton métier. Puis on va dire, bah tu vas pouvoir faire la com et la diff. Ouais. Et donc. Oui, c'est ça. Bah, ça va, tu peux faire un texte en une minute, c'est bon. Tu vois, voilà, t'as le chat GPT. Et, ouais. Il y a des icos comme ça dans mon taf. Par exemple, je leur demande un texte. Je dis, ouais, vas-y, c'est quoi ta fanfare, machin. C'est le chat GPT qui écrit le truc, quoi. Ouais, ouais. Alors, moi, et ça marche. C'est ça qui est grave, tu vois. Ah oui, c'est ça qui est fou. En fait, c'est ça que cet outil, il est tellement puissant qu'il fait peur, quoi. Et tu sais qu'il. Là, on est un peu dans la phase. Pardon, j'ai un chips qui me gratte. J'ai acheté des chips, c'est pour l'épisode 30. On a des bières et des chips. Et t'es dans la phase un peu, t'sais, comme un peu libre, t'es un peu comme Internet à un moment avec le boom. C'est-à-dire, il y a un peu pas de règles, mais ça reste encore sain, mais tu sais pas où ça va. Et tout le monde dit pas qu'il l'utilise. Tu bien, vois, les gens ils font genre, ah non, j'ai écrit ça. Moi je suis sûr, dès que les grosses boîtes ou même le privé ou sein d'entreprise, ils vont prendre. En main ce truc là en disant on peut faire travailler moins nos quoi, on peut se passer de monde. Ouais. Et puis tu vois les pubs maintenant à la télé, je crois, il y en a où tu vois sur les ordi où genre les gens ils réparent leur voiture avec une IA. Ou Spotify qui met de la musique générée par l'IA, comme ça elle récupère tous les revenus. Et voilà. Non ouais c'est un truc de porc et je pense qu'on pourrait faire une liste longue comme le bras. Et même vous qui nous écoutez, qui va pas. Vous pouvez vous dire qu'il y a des histoires avec ChatGPT un peu genre what the fuck, c'est Black Mirror ou... C'est clair, et le pire c'est la pollution, tu vois, là, les trucs qu'il y a eu avec Ghibli et les pochettes de merde, là, les petits bonhommes avec les accessoires là. Alors ça ce que j'aime bien c'est que bah pareil rapidement le côté ok il y a ChatGPT et l'impact écologique il est arrivé rapidement, tu vois. C'est ouf. Il a pas mis genre des années de prise de conscience, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais les gens ont rien à foutre quand même, hein. Il y a eu des millions de trucs. Ah oui, oui, bah après on reste. Mais après, tu te dis pas, il y a un impact quand je rentre 2-3 mots. C'est une pinte d'eau, je crois, chaque demande. Putain. Bah allez, je vais plus en parler. Et alors, elle a créé carrément un visuel et une chanson et. C'est tombé, ça va bouffer de l'eau. Mais laisse tomber, quoi. Donc, et voilà. On n'a pas cette image-là, tu vois, t'as l'image de ton ordinateur, il chauffe un peu. T'as pas, tu vois, t'as pas conscience. De ce qu'il y a au bout du truc, quoi, qui est des milliers d'hectares de machines qui chauffent, qu'on refroidit avec de l'eau. Faut, bref. Alors que l'eau, ça peut faire exploser l'électricité, non? Tu peux pas. Non, c'est mort. Ça peut pas. Mais c'est dangereux, pourquoi ils font ça en fait? Mais dans la mer. Bah, t'as le water cooling. Waouh. J'ai entendu parce que j'étais intervenu chez OVH. Et water cooling, c'est en gros, c'est les tuyaux rafraîchissants pour faire rafraîchir les serveurs ou tout ça. Donc, il y a des tuyaux d'eau froide. Et ça, c'est le début de l'enfer, quoi. Voilà. Bon, après, on va pas parler de tout ce qu'il y a de l'enfer parce qu'il y en a beaucoup. On va limiter les dégâts et on va présenter. Ou si on a fini sur l'IA et les chats GPT, hein, je sais pas. Si, je pense qu'en plus, on peut vite tourner en rond. Ouais. Mais je suis sûr qu'on pourrait en parler à chaque émission. Bah, l'idée, les textes étaient ouf, non ? Voilà, c'est tout. Et puis, oui, Martin, t'avais la bonne idée de se dire c'est la 30e, faisons différemment. Ouais, j'ai bossé. Je trouve que t'as bien lu. Hein. Merci. Alors que tu fais pas de théâtre ? T'en as fait ? J'en ai fait. Est-ce que j'ai fait du théâtre ? Ouais, j'ai fait du théâtre, mais parce que j'ai fait des études d'art et culture, c'est du stage. Ouais. Tu vois. Mais je pense que j'avais du talent. Je pense qu'il y a deux choses que j'aurais pu faire dans ma vie que j'ai pas fait. C'est comédien. Bon, tu peux encore. Je peux encore. Et saut de haie. Je pense que j'étais très fort en saut de haie et que les profs de sport, ils m'ont pas chauffé assez. Quoi. Saut de haie. Ouais, ouais. En fait, j'étais une machine de guerre. Genre... bien. Mais ouais, j'étais trop fort. Genre, j'étais... Genre... Il y a plein de gens qui ont peur des sauts de haie, tu vois, de se casser la gueule et tout. Et moi, je fonçais et c'était naturel. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mais c'est dur, hein, le saut de haie. Mec, j'enchaînais de ouf, c'était trop bien. Et j'avais des bonnes notes et point, en fait. Alors que si j'avais eu un bon prof de sport, genre Monsieur Dailly, paix à son âme. Tu crois qu'on t'aurait mis... Ouais. Je pense que j'aurais pu faire un... T'aurais pas aimé, Martin, tu sais pourquoi ? Tu gagnes pas assez ta vie avec l'athlé. Ça t'aurait saoulé. Bah, je m'en fous un peu de ça quand même. Je suis pas non plus vénal. Non. Arrête. Ah bon ? Ah bon ? T'es arrivé, bon, tu m'as dit que je peux avoir mon chèque, Pierrot ? Ouais, ouais, parce que bon, être okay, c'est hyper sponsorisé. Ouais. C'est sponsorisé cette semaine par Que de Charrue. Ouais. Nous le remercions et la brasserie Van Uxen. T'es content, Pierrot ? Ouais. Tu penses quoi de cette bière ? Bah, j'ai dit non, j'ai râlé un peu parce que je me dis que c'est fort. Là, il y a longtemps que j'en ai bu une et je trouvais que ça avait vraiment un goût de fer. Et là, aujourd'hui ? Elle est délicieuse, Martin, merci. Elle est fraîche en plus. Mais bah, je suis content, ça me fait plaisir. Il y a des chips en plus, mais on va pas les manger en faisant le bon truqué. On est sponsorisé également par Tyrell. Tyrell. Tyrell. Je sais pas d'où ça vient, ça. Tu sais, t'as l'impression que ça vient d'Écosse, mais je sais pas, en fait. Ben, on se dit que c'est anglais, c'est meilleur, quoi. En tout cas... Ça vient d'où ? Montigny. Voilà, c'est fait à Montigny dans le 02, mon gars. Bah oui, mais je crois qu'il y avait une usine Vico aussi dans le 02. Voilà. C'est un truc et un peu allemand aussi, mais il y a rien, il y a aussi de Deutschland, ouais, y a rien du tout. On s'est bien fait arnaquer, quoi. Et il écrit que c'est créé dans des fermes en Angleterre, il écrit quand même. Oui. Created at the farm in England, bien sûr. Comme pas quoi, des petits gars en salopette. Il y avait pas besoin de l'IA pour que déjà se foutre de notre gueule. Et j'ai un scoop incroyable quand même, c'est que vous suivez 30 épisodes. Où j'utilisais un autre sponsor, hein, Samsung, du coup, des écouteurs Samsung, qu'on a remarqué qu'ils ne marchaient pas. Bah voilà. Non. Pierrot a enfin mis mes écouteurs. Vous avez, voilà, tout le monde s'est plaint que je râlais tout le temps et je n'entendais pas ma voix. On n'entend pas ma voix. Oui, on s'est préparé juste avant. Et là, au bout d'un moment, je vais écouter. Mais ouais, on t'entend pas ta voix. Mais alors que toi, tu les utilises pour écouter quelque chose ou t'écoutes rien ? Je suis dans le métro et comme ça, j'écoute les gens. J'aime bien le bruit blanc. Non, mais ça entend quelque chose quand même. Mais oui, ça marche. Vas-y, chante un truc que t'es en ce moment. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Pourquoi ? T'aimes... C'est pas grave. C'est... Franchement, maintenant j'ai trouvé par terre des écouteurs. Ça, tu les as trouvés par terre, ceux-là ? Pas ceux-là. Mais du coup, ils marchent pas dans ton double jack. Ah ouais ? Ça coûte combien d'ailleurs un double jack, s'il te plaît ? Ça coûte rien du tout. Ça coûte 2 balles ou je sais pas. C'est vrai, faut que j'en achète un. Ça coûte rien. Tu peux prendre le tien ? C'est fourchette, ça s'appelle. Ok. Tu peux prendre le mien ? Bah, il faut que j'en ai un deuxième, mais je te l'aurais donné. Non, le mec, il veut rien acheter, quoi. Dis pas oui, toi. Je vais l'acheter, le truc fourchette. Ouais, c'est fourchette. Tu tapes fourchette, mais t'en trouves partout. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu gratos encore ? En dotation, pardon. Donc, où sommes-nous ? Après 15 minutes d'émission, vous allez savoir où nous sommes. En plus, j'ai une anecdote. T'es pas prêt. On est Porte de Paris. Pas exactement Porte de Paris. On est vraiment juste devant la mairie. On s'est dit, c'est la 30e. L'ancienne entrée, parce que maintenant, on rentre plus par là. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que les quand ils ont des trucs diplomatiques, ça passe quand même par là. Ah bon? Parce que t'as la petite entrée. Ouais, ouais, je crois qu'ils font quand même... C'est vrai que là, c'est ici qu'ils mettent les drapeaux. Ouais, voilà quoi. C'est l'entrée beau. Et c'est pas mal hein, ce qu'ils font quand même, Porte de Paris. Hein. J'ai vu, en fait, je suis allé manger ce midi mon petit sandwich Jean Lebas. Donc j'ai marché. Sympa la vie. Un pas tranquille parce qu'il fait beau quoi. Sympa la vie. Sympa la vie. Très bon podcast. Merci à eux. Et il y a des petits bancs, ils ont fait ça bien. Parce que, aussi, on a dit où on était. Mais on est vendredi, il est 19h30, hein, 19h passé. Ouais. Bah, il est déjà 20h. Jeudi, vendredi 9 mai, donc moment de pont. Moi, j'ai pas fait le pont. Mai. J'ai pas fait le pont. J'ai fait le pont. J'ai travaillé. Et du coup, moi, personnellement, je sors tout de suite du travail. Bam, je suis passé chez moi chercher le matos. Bam, Martin, les bières. Bam, et là, on est là. Ouais. Là, il y a tout du contexte. Ouais, mais par contre, c'est interdit de finir le vendredi à 19h. Bah, c'est pas de ma faute si les jeunes gens avec qui je travaille sont incompétents. Non, c'est pas vrai, j'ai fait la blague. Je fais, eh oh, mais en fait, on peut être en week-end ou on va devoir vous attendre tout le temps? Ah, c'est bon ça. Et du coup, j'ai un peu parlé avec eux, parce que d'habitude, je leur parle pas, je les aime pas. Dégagez, dégagez. Et en fait, je leur demandais leur âge. Ils sont nés, y en a un en 97, l'autre 99. Donc juste pour la date, ça fait genre Zidane, ça te parle pas quoi. Et ouais, mais surtout moi je leur dis mais c'est un peu ma rêve Zidane. Au moment de l'an 2000, nous on récupérait 10€ mais en pièces. Tu te rappelles pas, t'as pas eu ça toi? Tu sais le franc, il y a eu 6 mois ou un an où c'était franc et euro en même temps. Et tu payais en franc et ils te rendaient en euros. Ah putain ouais. Et il y avait un petit sachet de 100 francs. On te donnait, et quoi, qu'on te donnait, tu sais que t'achetais, tu donnais 100 balles et on te donnait 10€ en pièces, quoi, mais un peu en avance. 15. Ouais, ou 15. Mon père, il m'avait donné. Il t'a arnaqué ton père. Mais ton père, quand c'est. Tiens, donne-moi 100 balles, je te donne 10€. Il t'a déjà niqué. C'est trop cool, mon papa. Cool, j'ai 10€. C'est nul. Et bon, bref, je leur racontais ça et quand je leur racontais ça, je me disais, oh putain, le vieux. Mais bon, il y en a un. Des petits jeunes qui m'a fait rire parce qu'il me disait ouais j'ai 25 ans mais là les 30 ans ça me fait peur tout ça parce que je disais ouais bon 2029 t'as 30 ans toi non mais ça me stresse et tout et je trouvais ça mignon parce que moi je me dis bah quand j'ai eu 37 ans j'ai 38 je vais avoir 39 j'ai eu un peu ce petit côté là en disant oh 40 ans et je me dis à chaque fois on a ça, tu vois. Et je crois qu'à 27 ou quand j'ai eu 30 ans, j'ai fait ah, la vingtaine, c'est derrière moi. Tu sais, il y a un peu ce truc. Mmh. Ah putain, je vieillis. Bah, moi, je fais les 40 là, du coup. Bah ouais, mais toi, est-ce que tu te dis ça? Ah, j'ai badé de ouf, moi, je voulais pas le faire, du coup. Et du coup, je pars au Kyrgyzstan faire une montagne à 7000, tu vois. Tout simplement. En toute simplicité. Le mec veut avoir 40 ans toute sa vie, c'est ça? Bah, je sais pas. T'as compris pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que je veux. Non. Oh non, bah non. Je le souhaite pas. Ah bah non. Mais non, mais garde. Mais tu l'as pensé? Non, je demande. Ouais, je monte, je descends, je reviens. Ok, et si ça s'arrête à 3000, c'est 3000. C'est 3005 le minimum, parce que c'est la corde basse, le minimum. Bon, si c'est 3005, voilà. Et qu'à un moment tu te dis, oh dis donc, j'ai une gastro parce que j'ai mangé un truc périmé. Ouais, genre du lait, ils font du lait fermenté, je crois. Voilà, que tu voudras goûter absolument en disant, eh putain, bah c'est oui, l'aventure quoi. C'est local. Et moi, c'est corps... manger local. Et que ton corps, il dit, c'est pas local, ça dégage, ça dégage, ça dégage. C'est une alerte à la bombe en fait, ton truc. Non, non, en fait, tu es en train de faire. Tu te rends compte qu'on a froid en plus? Ton duvet, tu sais quoi, un truc qui est chaud de mes couilles? Ça a juste le nom de chaud. Je suis pas dans le duvet, je suis pas dans le duvet. Je suis pas dans le duvet. Je suis dehors, je suis dehors. Qu'est-ce qu'il fait l'hélicoptère? Je vous laisse imaginer avec quoi on fait l'hélicoptère. Avec une casquette, Martin? Non. Zizoui. Tain, voilà. J'ai failli avoir une casquette en plus. Une casquette de quoi? Bah, en fait, la personne chez qui on a fait un chantier, il fait de l'upcycling. Et moi, je lui ai dit, si tu veux, je porte ta casquette pour monter à 7000. Il m'a dit, pas de soucis, je te fais une casquette. Mais je l'ai pas eu. Ouais, tu me connais quoi. Va gratter des habits quoi. Je voulais une dotation pour monter à 7000, tu vois, ça vaut le coup quoi. Tu vois, puis souvent on met une casquette hein, quand on est à 7000. Et Louis pas m'a du banné... tout un bonnet quoi. Mais ouais, mais c'est clair. C'est clair, à 7000. J'ai une casquette. Bah pour la photo quoi. Pas du tout un casque. Ou je la mets sur Lénine, il y a Lénine là-haut. Je prends la casquette, je la mets sur la tête de Lénine, ouais, bam, photo, mec. C'est exactement ça que tu vas penser quand tu seras là-haut quoi. Ouais, peut-être pas, ouais. Non. Bah en tout cas, il a pas cru parce que Louis il a dit, mais genre, tu vas mettre ça à tes followers. j'ai dit, bah non, j'ai pas de follower, ça va, me vanne pas. Je lui dis, mais je lui envoie la photo, il la partage, tu vois. Je sais pas. Laisse-moi tranquille, Louis. Ouais. Putain, il est trop chiant, heureusement qu'il est pas dans mon étroqué, lui. Et du coup, je voulais faire un rappel historique sur là où on est. Parce que tu l'as jamais fait, ici. Comme anecdote, ouais. Mais derrière toi, donc tu peux te retourner à droite, il y a un pilier en bas du beffroi. Tu vois ? Il y a un chevalier sur le pilier. Ouais. Et ben en fait, ça, c'est les deux géants de la ville de Lille qui ont créé la ville de Lille, historiquement. Les géants, quoi. C'est l'attaque des titans, ici, quoi. Et exact. Et ils s'appellent Lidéric et Finard. Voilà. Donc c'est une histoire, comment on dit une légende de la ville de Lille. Elle aurait été construite par ces deux géants, Lidéric et Finard. Lidéric étant le gentil et Finard le méchant. Ah ouais, on a quand même un Finard. Genre c'est qui? C'est lui qui a fait quoi? Il a fait quoi de méchant? Bah genre Finard, il tuait un peu tout le monde, des gens. J'ai plus très bien l'histoire en tête. C'est lui qui a fait le vieux Lille, quartier de merde. Mais en gros, ouais, en gros, Finard, il foutait un peu la merde, il était un peu violent. Et genre, je sais pas, Lidéric, il a eu un truc, je sais pas, il devait aller là-bas. C'est pas, il devait chercher une princesse ou quoi, je sais pas ce qu'il foutait là-bas. Mais gros, Lidéric, c'était le mec gentil, quoi. Et il a tué Finard, je crois. Et voilà, Lille est devenue Lille, quoi. Et c'est les deux géants. Voilà. Bah, vous avez qu'à vous renseigner en même temps. Bah, nous, de toute façon, on doit pas regarder le téléphone, c'est un principe. Mais non, mais c'est. Je savais pas. T'as. Stylé ou pas? Stylé. Je sais que dans le Nord, il y a. Je savais pas qu'on venait là en plus, moi. Mais, ah ouais? Je sais que dans le Nord, il y a une histoire avec les géants partout, quoi. Exact. Il y a Douai, là, il y a des géants. Je sais pas s'il y a pas Gaillan, s'il y a un géant Gaillan. Bon, bref. Il y a plein de géants dans la région. Ah, c'est marrant, c'est l'attaque des titans. Il y a des, il y a des géants tout pourris. Hein. Il y a des géants bien et des géants tout pourris. Il y a des géants qui ressemblent à rien. Nous, il est bien. Genre, je sais plus quelle ville, un vieux patelin, ils ont une sorte de crocodile. c'est marrant, nul, un crocodile, quoi. Non? Ouais. Choupeau. Et puis, ça s'appelle genre. Je sais plus, ça s'appelle. Il y a un nom de merde, tu vois, genre. Vas-y, invente. Vas-y. Bazouz. Bazouz. Tu sais, ça fait vraiment. C'est... Eh, mais moi, un Bazouz. Tu sais, c'est quoi? Il y a du picon, c'est sûr. Il y a du picon dans le Bazouz. Ouais, un Bazouz. Je veux bien un Bazouz. Un double Bazouz. Un double Bazouz. Bazouz, c'est ouais, c'est picon. Sans glace. Picon Jet 27. Un truc bien idiot, quoi. Il y a du verre, mais en fait, on le voit jamais. Ça fait du Bazouz. Tu connais le Picard? Oui. Ok. Picon Ricard. C'est parce que tu parles de trucs dégueulasses. Picard, c'est dégueulasse. Mais j'ai jamais goûté. Bah, faut jamais goûter. Je connais un autre Louis qui l'a goûté. Ah, chien. Un aficionados du picon. Mais j'irai voir la petite statue. Là, parce qu'on voit sa tête, là, du chevalier. Ouais, t'as les deux chevaliers. En fait, là, t'en as qu'un, mais l'autre, il y a deux piliers qui tiennent le beffroi de Lille, et c'est eux. Lidéric et Finard. Et tu peux faire des jeux de mots sur... tu peux dire... Lidéric Épinard. Oh, c'est pas terrible. Et sur les portes de Paris, il y a des statues avec des instruments de musique que j'avais jamais vu, dorés. Ouais. Tu avais déjà vu? Une sorte de trompette. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, je sais pas, tu vois. C'est pas. Juste ce que je peux te dire, c'est que la mairie, c'est une mairie art déco. Voilà. Le style, c'est art déco. Comment je le sais? Avec mon gros collègue, après manger, on aime bien, il n'est pas gros du tout, c'est pas de la grossophobie, c'est amical de dire ça. Il y a un morceau de 113, ouais gros. Et tout à fait. Qui n'est pas du tout grossophobe. Bien sûr. Et donc... ouais gros, on a le moral à zéro. Ouais gros, on marchait, après manger, on aime bien marcher. Pour... pause digestive, voilà, marche digestive. Tout à fait, pour être un peu actif, puisque j'ai une activité de bureau. Et donc, on a demandé à notre ami chat GPT, la mairie, donne-moi une petite histoire de la mairie. Parce que lui, il est en vocal, elle nous a dit, ah, gna gna gna, et comme des gogoles, on écoutait, art déco. Voilà, et la planète, elle meurt en fait pendant ce temps-là. Exactement. Et art déco, en fait, cette période, c'est après la reconstruction de la Première Guerre mondiale, donc ça a été reconstruit. Donc, tu as beaucoup d'art déco dans le Nord. Okay. Et à Amiens, c'est l'église Saint-Honoré. C'est une église un peu tout en béton. J'ai appelé ça l'église moderne quand j'étais petit. Bah c'est vrai que là, t'as un email béton et briques. Ouais, il y a énormément de béton, en fait. La particularité, je crois que c'est beaucoup de symétrie ou des conneries. Ah et bah ça n'a pas été totalement fini. Il y a des extensions. Et à Paris, le gros truc d'art déco connu, c'est le palais de Tokyo. Ok. Je suis déjà allé, mais il y a longtemps. Je sais pas s'il n'y a pas des skaters là-bas où je comprends. Avec Trocadéro. Il n'y a pas le petit palais, le grand palais? Non, ça n'a rien à voir, ça. Si, il doit y avoir. Je suis déjà allé au palais de Tokyo. Je crois qu'il y a un photomaton. J'ai fait des photos. Là-bas avec Marine. Big up Marine. On est là, on est là. Dédicace. Ouais, grosse. Casse dédi. Je pense à toi. Là, t'étais parti. C'est romantique, ouais. Mais je voulais du R&B, mais j'ai pas trouvé. Alors que j'adore le R&B. Là, j'ai... Parce que là, tu chantais du Amadou et Mariam, quoi. Tu veux que je parle de musique? Ouais, non, j'allais en parler à la fin. Faudrait que tu me laisses 10 minutes à la fin. 10 minutes? Ouais, ça va, c'est joué à large, c'est bon. Parce que, en fait, j'aimerais bien. Bah, on en parlera après, mais j'aimerais bien lancer un sujet avant mon morceau. Et en fait, moi, je veux mettre un morceau à la fin, qu'on écoutera tous ensemble. Mais j'aimerais bien développer avant. C'est possible, on l'a jamais fait. Mais bien sûr que c'est possible. Mais là, pour casser les codes, épisode 30. Tu veux débattre et tout ? Casser les patterns. Non, mais je veux te parler d'un truc. Ok. Mais pas maintenant. De toute façon, on sera peut-être bloqué par Spotify. Après, on est disponible partout, mais Spotify, parfois, il nous bloque. Ok. À cause de la musique. Ah, d'accord. Voilà. De toute façon, tout oppose Spotify. Non, j'ai Deezer. Moi, j'ai toujours cru que ça allait disparaître, Deezer, parce que c'est français. Mais vu Spotify et ce qui se passe aux États-Unis, Trump et tout ça, tout est. Il y a moins que Deezer ça continue et que ces petits failles ça disparaisse quoi. Enfin tu vois, je sais pas, comme Twitter, X, enfin tous ces trucs là où les gens se barrent en fait. Ah ouais ? Je sais pas, à un moment il y a une question de se barrer des réseaux aussi, tu vois, de Facebook, Insta. Oui, parce qu'ils ont soutenu Trump et Spotify, ouais, voilà, aussi. Et on a voulu créer des réseaux qui existent vraiment pas vraiment encore, hein, je pense. Hein, y avait des noms, je me rappelle même plus quoi. Mais tu sais quoi ? C'est parce que le capitaliste, qu'est-ce qu'il suit ? Il suit le politique pour continuer de vivre. C'est des vatards. C'est des vatards. Voilà ce que j'ai envie de te dire. C'est qui dit ça ? C'est moi. J'suis ah ouais ? Bon. Putain, mais c'était la voix de quelqu'un que je connais, quoi. Ah ouais, j'ai inventé un peu. J'ai caricaturé. Bien sûr. Tu sais ce que je me suis dit en Pierre, arrivant ? Il fait des imitations de gens qui n'existent pas. Juste pour te rejoindre, un moment. Ouais, tu me rejoins. Je roule sur la piste cyclable et je me dis, voilà, je vais m'arrêter un peu en plein milieu et je me rapproche d'un gars. Tu vois, et je me dis, le gars va se dire, il est chelou, pourquoi il vient vers moi ? Sauf, c'est pas discriminant encore, mais le gars était un peu chelou. Tu vois, il était bizarre et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, lui, comme il est un peu chelou, personne de chelou va le voir, tu vois. Ouais. Et lui-même, ça se trouve, il croise pas de chelou, il sait pas ce que c'est un chelou, parce que lui-même est chelou. C'est trop de questionnement, tiens. Ouais. C'était en long. Deux secondes, quoi. Ok. En plus, en deux secondes. Mais pourquoi tu voulais le voir ? Je voulais pas le voir. Je me suis arrêté limite devant lui. Il a dû se dire. Dans ma tête, je me suis dit, il va se dire, c'est quoi ce chelou ? Ok. Alors que moi, je le trouvais chelou. Mais ça se trouve, lui, il se trouve pas chelou. Ok. En fait, il y a que toi qui t'es questionné, ce mec-là ne s'est pas questionné. Non, parce que j'ai essayé quand même d'attraper le regard. Ok. Pour voir, il y avait rien du tout. Après, ça biglouchait de ouf. Ok. Ça partait bien. Il y en a un, il regardait les trompettes de Porte de Paris. Quoi. Et t'as remarqué comment les gens ils respectent notre podcast aujourd'hui ? Pourquoi ? Tout le monde, ils passent et font et ils murmurent quand ils passent devant. Ah ouais ? Mais genre, c'est le quatrième groupe qui passe. Ils sont là, ah ouais, ici, et ça se baisse. Ah ouais, bah moi, comme j'ai les écouteurs, j'entends rien. Ah oui, parce que moi, j'ai pas d'écouteurs. Parce qu'ils marchent pas. C'est comme si je roule en scooter sans casque. C'est comme si j'étais en cheval sans selle. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois le podcast aujourd'hui. C'est freestyle, en fait. Tu m'entends, j'espère ? Ou j'ai fait un podcast t'as pas branché le micro. T'avais pas tout le temps ces Samsung. Il est pas branché le micro ? Si, si. Ah putain. Il était pas. Recommencer. Alors, c'est l'histoire d'un gars sur un. Ah putain, attends, je cherche le texte. Pull up ! Martin. Quoi ? Ces écouteurs là. Oui, je les ai toujours eu. Non, tu. Des fois, tu m'en ramenais, toi. Ouais, bah c'est peut-être ces fois-là où tu t'entendais, quoi. Attends, je vais réessayer. Mais. Vas-y, parle. Bonjour, je m'appelle Martin. Ouais, c'est de la merde. Non, mais je retiens. Du coup, je te laisse. Un petit 5 minutes avant la fin. Ouais, parce que c'est un. Parce qu'on n'a pas encore lancé nos thématiques, c'est bien. C'est... Tu veux en lancer une ou j'en lance une ? Alors, t'as travaillé ou pas ? Sache que mon. Bah alors, j'avais des notes. Moi, c'est la première fois que je travaille. Je note régulièrement et mon téléphone s'est rebooté un coup. T'as plus rien ? Et j'ai plus rien, donc je suis reparti de zéro. Mais t'as inventé un truc ? Tu travailles un truc ? Où je fais toute l'émission ? Tu crois que je fais quoi ? Tu parles à qui là ? Tu parles à qui là ? Comme ChatGPT, respecte bien en fait. T'as demandé à ChatGPT de te trouver des thématiques ? Non. Les clochards et les pigeons, il m'a proposé. Il m'a dit c'est eux qui sont à la mode. Les chapeaux d'Indiana Jones. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Moi sinon, je te lance un truc hein, comme tu veux. Mm-hmm. C'était un oui, c'est-à-dire vas-y. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. Mais comme j'ai pas d'écouteurs, j'entends pas. Ah oui. Faut parler fort en fait. Et ben c'est un truc sympa qu'on aime, qu'on apprécie en soirée. On a tous vécu ça. La drogue. Non mais c'est marrant, je pense que ça va parler à tout le monde. C'est les gens tunnels. Les tunneliers. Ah là là. En soirée. Alors là tout de suite tout le monde les appelle différemment hein. Ça peut être des relous, ça peut être des casse-couilles, ça peut être des... Nous on a... C'est vrai qu'on l'a verbalisé. Communément nous on a parlé ça des tunneliers. Où tu t'es pris un tunnel. C'est-à-dire t'es en soirée, t'es bien, t'es avec tes potes, t'as bu quelques verres, forcément. Et là, soit tu l'as identifié et tu sais qu'il va venir vers toi, ou soit tu l'as pas identifié et là t'as pas de bol. Une personne arrive vers toi et toi t'es dans ta soirée, t'as envie de parler de trucs cool, t'as envie de blaguer, et il te parle de trucs chiants quoi, genre de comptabilité, de j'en sais rien, de trucs, et à fond, et genre il ne parle qu'à toi, et il prend pas les gens autour, et ça c'est le méga tunnel de la et mort. Et la particularité du tunnel c'est que tu peux pas en placer une. Ah non. Ou vite fait, ou genre dire nan, et tu ne peux pas sortir de la conversation, à part l'issue de secours souvent c'est... Je suis désolé, faut que j'aille pisser, quoi. Ouais, ça, c'est la meilleure assise de cours, ouais. Ouais. Mais quand t'es poli, t'attends un peu, pas trop, t'essaies de faire entrer quelqu'un dans le tunnel. Ah oui. C'est dur, hein. Et surtout, de ne pas remettre de pièces dans la machine, du coup, effectivement, il n'y a que le tunnelier qui parle, et tu ne mets aucune pièce, quoi. Sauf si tu ne connais pas le tunnelier. Sur le papier, ça a l'air simple, hein. D'esquiver un tunnelier? Ouais. Mais dans le vécu, c'est hyper dur. Normalement, tout le monde l'a vu. Mais surtout si tu l'as pas identifié. C'est-à-dire que la personne commence à te parler, t'es là, ah ouais, et tu mets des pièces parce que tu sais pas que ça va être long. Tu dis, ah ouais, tu t'intéresses un peu. Puis tu dis, mais il creuse, il sait qu'on s'en bat les couilles de ce sujet-là, il est 1h du matin. Ouais. On s'en branle en fait de ce que tu vas faire en comptabilité, que la TVA, c'est 19,5. Ça existe même plus, la TVA, 19,5. C'est 19,6. Bref, on s'en bat les couilles, tu vois, 5,10,20. C'est 5,10,20. 5, 10, 20 maintenant, voilà, c'est très bien. 5, 5, c'est 5, 5. 5, 10, 20. C'est quoi 5, 10, 20 ? 5, 10 ou 20 ? Ouais. Non, mais moi, je crois que c'est 5, 5, 20,1, des petits trucs comme ça, 20, 20. Aidez-moi. Quoi ? Je suis dans un tunnel. Bon, ouais, c'est ça, un tunnel. Non, mais c'est vrai, et sur le papier, là, je me dis, non, je peux esquiver, je peux partir, mais non, en fait, non, c'est quoi ? Bah non, on est tous pris. Hein, c'est... Là, je me sens fort pour sortir du tunnel. Mais non, en fait, c'est impossible. Mais je t'ai déjà fait une passe de tunnelier à toi, non ? Je t'ai pas envoyé un tunnel. Des fois, je fais ça, moi. Ou je t'ai sorti d'un tunnel parce que je suis arrivé. Maintenant, on s'en sort des tunnels des copains. Ou des fois, tu peux lui passer, tu vois, quand t'es un gros bâtard. Genre, ah, je vais pisser, mais Mimi, il connaît bien la comptabilité. Tu vois. Et paf, passe mais, à Mimi. Mais quand t'es assis, en fait, souvent, t'es attablé. T'es là, t'es niqué. Ah oui, je me voyais au bar. Donc, là. C'est là où tu peux pas sortir. Si t'es debout un peu dehors, tu peux, quoi. Le pire, c'est si l'excuse de pipi. Et après, tu vois que ta place, elle est encore libre. Ouais, ouais. Et là, tu fais... Tu vas te rasseoir. Ouais, je vais pas me rasseoir. Je vais choper lui et je vais... Ouais. Là, bien sûr. Je vais rester debout. Décès de ta mère. Pardon. Non, non, c'est parce que j'étais dans un tunnel. Ça captait pas. J'ai pas capté. C'est énorme. Ah, mais ouais. T'imagines que ces gens-là, ils mettent des tunnels à répétition, on les a identifiés, ils continuent. Personne leur dit, pourquoi on leur dit pas ? Ils ont pas confiance. Pourquoi on... Parce que j'ai des prénoms en tête, tu vois, je vais pas les dire. Mais pourquoi il y a des gens, on leur dit pas ? En fait, à chaque fois en soirée, tu pars sur des sujets, on s'en fout. Pourquoi tu restes 30 minutes sur un truc ? Tu vois que je te regarde pas, en fait, que je te parle pas. T'es plus attentif. Que... Ouais, tu sens. Surtout que toi, on peut pas le dire, on peut bien le sentir. Moi, si je commence à regarder tes cheveux, c'est pas bon. Tu vois. Si je regarde ta coupe de cheveux, un tunnelier, c'est un bavard, quoi. Parce que là, moi, j'ai vu ça aujourd'hui. Ma collègue, elle est bavarde. Elle se voit pas comme bavarde. Mais elle raconte ses histoires, elle enchaînait. Mais il n'y a pas le petit moment où tu peux faire « break, je peux partir ». Genre, c'est fini. Genre, c'est tellement « tout ». Genre, ça part dans le détail. Ouais. Mais il y a des bavards cool, tu vois. En fait, il y a des bavards avec des sujets cool, tu vois, peut-être. Est-ce qu'il y a des bavards avec des sujets cool ? Oui, s'ils te laissent la place pour que tu rebondisses, quoi. C'est ça le problème du tunnelier. Ouais. Et il y en a un qui est passé comme ça, en dessous de la manche, quoi. Il s'est pas arrêté. Ça capte pas, hein, sous la manche. Il s'est pas arrêté, quoi. Il dit, ah ouais, mais tu sais, en fait... Putain. Ils comprennent rien ici. Mec, t'as fait un trou, il y a un train qui passe, quoi. tu te rends compte un peu du tunnel écoté? T'as fait un trou. T'as fait un trou, il y a un train qui passe. Eh bien. Très bien, ouais. C'est pour note pour le spectacle de stand-up. Ouais, ou pour ton concert de rap. Ah ouais? J'ai vu Ben PLG la semaine dernière. Cette semaine? Je te l'ai dit? La semaine dernière. Non? T'as fait une photo? Ouais. Pour ton neveu? Ouais. Ouais. La semaine dernière? Et je t'ai dit, quand t'as fait un selfie avec lui, tu m'as dit c'est pour mon neveu. Et moi j'ai fait, mais j'imaginais. Ouais, ouais, parce que c'est un pote à toi à la base. Ouais. Ben PLG, et je me suis dit, ouais, on peut faire un selfie, tout ça. Trop bizarre. Et donc je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Est-ce qu'il a cru que c'était vraiment pour ton neveu? On a parlé avant. Hein. J'ai pas, genre, je suis pas arrivé, j'ai dit selfie, tu vois. Genre, il a dit, ah non, non, il m'a dit, ah, mais toi, ça va là, t'es menuisier et tout. Je fais, ben non, pas vraiment. Moi, je vais raconter ma vie, c'était trop drôle, quoi. Parce qu'en fait, t'as l'impression que tu peux plus. Quelqu'un qui. C'est pas une star, en fait, c'est quasiment une star, c'est une star, hein, je pense, mais tu sais plus trop comment lui parler. En fait, je sais plus, c'est assez bizarre quoi, qu'il y ait une notoriété comme ça. Puis toi, tu lui parles normal de ta life, tu vois. Tu te dis, mais en fait, il préparait sa tournée, il y avait d'autres choses en tête. J'en sais rien, mais toi, tu as envie de lui parler comme avant et de dire, bah, allez, reviens, bonne bière, nani, nanana. Mais c'était cool. Je lui ai raconté, je lui ai dit, mais mec, c'est trop ouf quoi, mec. C'est trop ouf ce qui t'arrive. J'ai trouvé ça ouf quoi. J'étais pas ému, mais j'étais un peu ému aussi. Mais tu vois, je trouvais ça trop ouf, quoi. De dire, bah vas-y, je vais aller chercher à Porte de Douai, on allait faire un foot. Gardien de foot. Mec, il fait une tournée de ouf. Et apparemment, sur scène, c'est le genre. C'est un des gars. C'est un des meilleurs sur scène, quoi. Tu vois, ce qu'il donne en énergie sur scène, apparemment, c'est ouf, quoi. Mais je crois que quand tu m'en parlais à l'époque. C'est pas Booba, quoi. Tu disais, mon pote Ben, rappeur ou je sais pas quoi. À chaque fois que tu me disais ça, je pensais que ton pote, c'était l'oncle Ben Soul, là. Ça te dit rien là? Mais lui il a commencé, c'était Ben l'oncle rap, tu vois. Ah bah oui, c'est pour ça que tu me dis c'est ça. Lui, ouais. Il y avait un mec, tu sais, qui chantait qui s'appelle Ben l'oncle Soul. Voilà, ouais. Et ouais. En fait, je me disais, c'est lui son. Ah ouais, ok, bon, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Mais en tout cas, sache que tu pourras toujours me parler. Tu peux toujours me parler, je suis une célébrité quand même. Hein, c'est vrai, ouais. C'est vrai, t'es quand même le duo de. Voilà, une tu partie peux, du duo de bon truc. Mais je suis plus célèbre que toi. Et tu peux quand même c'est me vrai. Parler, il n'y a pas de souci. Mais on voit, t'es sponsorisé par Patagonia, t'as oublié de le dire aussi. J'ai oublié de le dire et par Garmin. J'ai fait 7279 pas aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est Patagonia qui te paye ou pas? C'est Garmin. Ça fait 7000. Garmin, c'est une marque. C'est 1 euro par pas? Putain, mais ça c'est. Oui, c'est le truc que t'as, toi. Là, t'as fait 7200 balles. Exact. Putain. Cours un peu encore. Je non dois dire encore 400 fois Garmin et le podcast sera terminé. Garmin. Garmin. Garmin. Garmin. Putain. Tu crois que je dois avoir une montre comme ça pour monter à 7000 ou pas? Ben en fait, tu vas pas monter tout le temps à 7000. Mais ça peut être pratique. J'y ai pensé en courant. J'y ai pensé, Martin. Mais je me suis dit que tu vas pas. Sauf si tu fais souvent de l'alpinisme, mais tu feras pas souvent de l'alpinisme. Non. Après, à ce qui paraît, t'es mordu. De quoi? De l'alpinisme? Ah, t'as fait en 7000, après t'es mordu. Après, tu t'arrêtes plus. 7000, 13000, 15000, 20000, la lune. Ou t'enlèves le dû. Quoi? Mort? Non, Martin! J'ai pas réfléchi! C'est vrai que je suis ta marionnette en fait! Tchouk tchouk tchouk! C'est le moment où je. Dernier sujet? Tu peux avoir. Ouais, on peut parler de ta musique. Alors. On est dans le bon timing. Tu as vu donc, que je suis quand même, hein? J'ai choisi un banger. Banger de dingue. Mais on va développer un peu avant. Mais en gros, on va écouter un son de ouf de Lola Brooke. C'est Don't Play With It. Et c'est un son gangsta de ouf de meuf. Et en fait, je voulais un peu parler des rappeuses, tu vois. Et du coup, c'est drôle parce qu'en y pensant, je dis, mais moi, j'ai toujours écouté les rappeuses. Là, j'écoute Doshi, il faut écouter, tu vois, le Tiny Desk qu'elle a fait avec un orchestre 100% meuf. Il est incroyable. Maintenant, elle est connue, mais tu vois, juste avant ça, elle a fait vraiment des sons de ouf Doshi. Mais même avant, à l'ancienne, tu vois, Lil Kim ou tous ces meufs-là. Et en France, on a eu aussi des rappeuses, mais c'est pas assez... assez ouf quoi, en France je trouve, assez, par rapport aux États-Unis. Quand tu dis assez ouf, assez développé quoi. Ouais voilà, on n'a pas de... Et du coup là il y a un reportage qui sort là, en ce moment, sur France TV je crois, Bad Bitches, sur les Bad Bitches justement. Toutes ces meufs là qui ont porté en fait le fait de... Tu vois le rap américain c'était à fond, bitch, bitch, bitch, bitch, money. Tu vois, et elles ont fait, ah ouais, bah, Bad Bitches c'est moi, je vais faire des vrais sons de ouf, tu vois. Et c'est là que t'as eu des meufs incroyables qui ont fait des sons de ouf, tu vois. Et en France, t'as juste Shai, qui est belge plutôt que française, mais voilà. Belge? Shai, ouais. Ah, je croyais que t'avais dit belle. Bah, elle est belle aussi. Oui, oui. Je connais pas, je t'avoue. Shy. Ouais. Quoi, ouais, je vois qui c'est, oui. Elle est dans Nouvelle École, tout ça. Nouvelle École. Passe-moi la bug d'école. Tu non, connais, oui. Lunatique. C'est dans ça que je la connais, mais sinon. Mais du coup, ces meufs-là, les rappeuses, moi j'en écoute plein, et c'est ouf. Et je trouve ça trop incroyable, quoi. Et tu vois, ce son-là, c'est comme une balle, quoi. Ça part, tu vois. Et c'est pas comme une balle. Ouais, elle a voulu dire, ah ouais, bah, vous faites des sons genre gangsta, bah tu vas voir. Et bam, il est très court, hein. C'est 2 minutes, c'est vraiment une balle qui part, et pfff. Et ça y est, ça te transperce. Et c'est Lola Brooke de Brooklyn. Mais tu trouves qu'elles ont plus de place, là, les rappeuses ? En France, pas du tout. Franchement, en France, il y a Shai et Théodora, tu vois. Et Théodora qui fait plus du bouillon. Ouais. Et mais que j'aime bien, tu vois, avec son gros fiac. C'est sa citation, hein. Mm. Mais Et mes gros seins, ouais, ils me font mal au cou. Ouais. Il y a des gens, ils sentent ça dans la rue. Des fois, je croise des gens, des étudiants. Et je kiffe, tu vois. Théodora, bon style, tu vois. Moi, j'écoute. Mais aux États-Unis, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup plus de meufs comme ça, tu vois. C'est vraiment beaucoup plus développé. Mais Léna, elle m'a montré un Planet Rap où il y avait un rappeur qui avait fait juste un des soirs Planet Rap, Skyrock. Pendant une semaine, les 4 jours, il avait invité que des nanas, quoi. Mais c'est le gagnant de Nouvelle École, non ? C'est pas lui ? Je sais plus son nom. Et y en avait... lui, il a ramené plein de meufs. Ouais, il y en avait une qui avait fait un petit tube, quoi. Ouais, mais en France, on pousse pas assez vers ça, quoi, je trouve. Tu vois, il y a que Shai vraiment, et en plus, elle se fait critiquer tout le temps dès qu'elle fait des trucs. Mais elle fait une tournée de ouf. Elle a la pêche, elle s'en bat les couilles. Elle est vraiment un truc bad bitches, elle est forte, quoi. Mais c'est comme ça que je la connais, moi, parce qu'elle se fait critiquer. Ouais, ouais, les gens ils chient dessus, quoi, de ouf, quoi. C'est abusé, pardon, je saurais pas dire ça. Mais elle se démonte pas, tu vois. Grand respect, tu vois, et bon, être ok, full support, Shai, car qu'elle est Ben PLG à l'époque, pour refaire un raccord sur Nouvelle École. Là, tu l'as dit tellement vite le mot, quel les cartes. Quoi? Quel les cartes PN Ben PLG? Vas-y, refais la phrase. Je sais pas, j'ai même plus. C'est elle qui écarte Ben PLG. Bah voilà, bah, j'ai un traducteur en fait. Moi, je parle la street en fait. Tu m'entends, Martin? Non, t'as j'ai tes écouteurs. Mais du coup, j'étais super vite, mais tu pourras lancer le son quand tu veux. Mais tu voulais un truc là-dessus, peut-être, je sais pas, intervenir. Non, bah non, je suis intervenu. Et regardez le clip, voilà, forcément, il y a de la motocross, il y a des flingues, et ça fait barra barra, ça tire, c'est pop pop pop. C'est les mêmes codes. C'est tout ce qu'on aime. Même code, c'est les mêmes codes. Du rap américain. C'est les mêmes codes. Et cette meuf-là, je crois qu'elle doit faire 1m50. Elle se démonte pas. Attention. 1m50 ? Elle a l'air toute petite. C'est pas grand. Elle a l'air vraiment petite, quoi. Comme dirait notre ami Francky, quand c'est petit, c'est mignon, on pardonne tout. Merci Francky. Bon allez, on part avec ce petit son-là. Ouais. Bonne trentième. Trentième. Félicitations, bonne année. Bravo, franchement c'était super, merci beaucoup. Est-ce qu'on continue ? Bien sûr, on continue. Allez, let's go. Attends, peut-être que vous pouvez faire un truc pour nous suivre. Instagram. Parlez-en. C'était tout. Merci beaucoup. Run a man, I don't know no other man. Run it up. You fuck like 100 niggas just for 100 bands. What? I don't even got me 100 bands. Shit. I'm still gonna make me 100 M's with 100 plans. Give me peso, extendo. I carry bitches like I'm Prego. Beat around with nigga calling Pedro. Suck a nigga, shoulda knew it from the get go. Don't play with it, don't play with it, don't play with it. Come on, baby, don't play with it. Don't play with it. Just lay in it. Spin all day in it. My hitters don't play with it, don't play with it, don't play with it. They stay with it. I'm okay with it. When they come to me, they don't play with it. Is he on me? Yeah, that's something that I stay with. The Brooklyn bitches, they ain't really nothing to play with. Bitches steady chatting when I ran down, she ain't say shit. My hitters gon' bang quick, fuck around and get dangerous. Bitches acting like bimbos, stomp a bitch in my Timbos. Hoes know I ain't playing games, no Xbox, Nintendo. Real bitch, no floor shit, I stand on it, that's 10 toes. Pulled up in the big body with the dog tints on the window. He says she's so sweet, they gon' wanna lick the rapper. Let him taste the pussy, then I can come out right after. Got these niggas vexed, cause I curb him when I want. Get his wig pushed back, if the nigga tried to fall like Don't play with it, don't play with it, don't play with it. Come on, baby, don't play with it, don't play with it. Just lay in it. Spin all day in it. My hitters don't play with it, don't play with it, don't play with it. They stay with it. I'm okay with it. When it come to me, they don't play with it. The Mozzie Way.